Activité 8, page 67. Piste 51. A. Mange 5 fruits et légumes par jour. B. Parle avec quelqu'un quand tu as un problème. C. Donne 5 conseils pour avoir une bonne santé. D. Son frère se sent mieux maintenant.